Voilà. Bien, Monsieur Dupont, donc vous êtes prêtre. Vous avez été prêtre, je ne sais pas si vous êtes toujours à l'église Saint-Jean-et-Nicolas, rue de Brabant. Et donc, nous allons parler de faits qui se sont passés en 1974. Donc, ici, je vais lire l'appel des grévistes de la faim, la grève de la faim qui avait lieu dans votre église. C'est nous les immigrés, c'est nous les étrangers, c'est nous les travailleurs, c'est nous les hommes, c'est nous les esclaves des temps modernes. Nous sommes 9 travailleurs immigrés, 7 Marocains et 2 Tunisiens, qui faisons la grève de la faim à l'église Saint-Jean-et-Nicolas. Nous faisons cette grève pour obtenir un permis de travail et un permis de séjour, et aussi pour poser le problème des 40 000 immigrés soi-disant clandestins. Si nous avons décidé de commencer cette action et de lutter jusqu'au bout, c'est que nous sommes surexploités par les patrons qui veulent nous isoler des travailleurs belges, et parce que chaque jour nous sommes menacés par les rafles policières dans nos quartiers. Voilà, ça c'est un peu l'introduction de l'appel que les grévistes de la faim avaient lancé à cette époque. C'est ça, ben le problème est bien posé. Et à ce moment-là, en 1974, je crois que c'est la première fois qu'en Belgique, des travailleurs immigrés ont pris conscience qu'en s'unissant, ils pouvaient faire valoir des revendications concernant leur situation en Belgique et leur statut. Les revendications de ces travailleurs rejoignaient l'expérience du mouvement des travailleurs arabes qui avait en France mené des grèves de la faim dans plusieurs villes de France et en partie à Saint-Bernard-la-Chapelle à Paris. Ce mouvement des travailleurs arabes avait demandé au MRAX de les aider à obtenir les autorisations nécessaires pour faire une manifestation qui devait partir du parvis Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek. Dans un premier temps, il semble que cette autorisation leur ait été accordée, mais qu'en dernière minute, elle leur a été retirée. Cependant, le mouvement Les Travailleurs Arabes avait déjà fait un travail de sensibilisation et diffusé des invitations à la manifestation dans les cafés arabes de Bruxelles, et il ne leur était pas possible de décommander. Ils ont donc décidé de faire un rassemblement sur la place le parvis Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek. Le MRAX a demandé à quelques personnes, des juristes, des prêtres, des amis, de venir au parvis Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek pour être témoins de ce qui allait se passer, car les gens craignaient des violences policières. Quand les gens se sont rassemblés, les leaders du mouvement des travailleurs arabes ont voulu prendre la parole et la police a voulu leur interdire de prendre la parole puisque cette manifestation, selon eux, n'était pas autorisée. Et devant l'entêtement des leaders à s'adresser à la petite foule qui était là par gueulophone, ils ont chargé dans la foule et ils ont commencé à faire des arrestations, à traîner par terre ceux qu'ils pensaient être les meneurs du jeu, à les embarquer et à les conduire au commissariat de police de Molenbeek. C'est comme ça que l'abbé Jacques van der Bist, le vicaire des Marolles, et moi-même, par exemple, nous avons été embarqués et gardés au cachot jusqu'au soir. Tout cela n'a fait qu'exacerber la volonté des travailleurs et la volonté des étudiants, qui étaient les leaders du mouvement travailleur arabe, leur volonté d'entamer une action plus dure à Bruxelles pour l'obtention du permis de travail A. Donc cette manifestation avait lieu au mois de mars aussi, juste un peu avant la grève de la faim. Oui, quelques jours avant, Quelques jours. peut-être une semaine avant le début de la grève de la faim à l'église Saint-Jean-et-Nicolas.